Nous voici aujourd'hui à Blois. Le grand homme de Blois, c'est Denis Papin, l'inventeur de la machine à vapeur. Pourtant, l'intérêt du visiteur n'est saisi que par la masse imposante du château, construit par Louis XII, continué par François Ier, illustré enfin par Henri III, qui, le 22 décembre 1588, fit égorger là son redoutable rival Henri de Guise. La 22e édition du Festival des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, où nous nous trouvons aujourd'hui, a choisi pour thème central l'Italie. Alors évidemment, ici, plusieurs conférences sont consacrées à l'œuvre d'un Italien qui incarne à la fois l'effervescence de la Renaissance et l'archétype du génie universel, Léonard de Vinci. Les événements organisés cette année à l'occasion du 500e anniversaire de sa mort montrent à quel point son œuvre continue de fasciner et de passionner. Artiste, ingénieur, scientifique, il voulait saisir tous les secrets du monde, les milliers de pages et de dessins qu'il a laissés attestent de sa curiosité dans des domaines aussi variés que la géologie, l'anatomie, la botanique ou encore la zoologie. Mais cet autodidacte, que l'on présente souvent comme le plus grand génie de tous les temps, est-il vraiment l'auteur de découvertes scientifiques majeures? Qui était Léonard de Vinci au-delà du mythe et de la légende? C'est ce que nous allons tenter de découvrir avec nos invités. L'historien Pascal Briouat, professeur à l'université de Tours, il présente une édition des carnets de Léonard de Vinci chez Gallimard, et Laure Fagnard, historienne de l'art, attachée à l'université de Liège en Belgique, auteur de Léonard de Vinci à la Cour de France aux presses universitaires de Rennes. Et puis en fin d'émission, avec l'archéologue Fabienne Ravoir, nous parlerons des arts de la table à la Renaissance. Voilà pour le programme de notre deuxième heure. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. L'ingéniosité humaine ne produira jamais invention plus belle, plus simple et plus directe que la nature. Car dans la nature, rien ne manque et rien n'est superflu. Un extrait des carnets de Léonard de Vinci. Bonjour, Laure Fagnard. Bonjour. Pascal Briouat est toujours avec nous. Les deux historiens sont là. Nous avons l'historien plus pour la partie science et ingénieur, l'autre, Laure Fagnard, plus sur l'art. Le court extrait que nous venons d'entendre illustre bien deux aspects qui sous-tendent l'œuvre de Léonard de Vinci. Sa fascination pour la nature et puis sa capacité à observer absolument hors du commun, Pascal Briouat. Oui, je crois que non seulement Léonard voyait très bien de loin et très bien de près, mais qu'en plus il avait une capacité particulière, et là c'est l'œil connecté au cerveau qui dit les choses, de décomposer le mouvement. Décomposer le mouvement des ailes de libellule, d'un cheval au galop, et c'est à la fois un atout pour l'artiste et un atout pour le savant. Ouais. Il s'intéresse à la nature dès son plus jeune âge, Laure Fagnard. Oui, c'est un intérêt qui est vraiment très ancien. Léonard naît à Vinci, dans la campagne, et même si on ne connaît pas grand-chose en fait des premières années de sa vie, il est séduisant de l'imaginer en train de vagabonder dans les vignes, dans la campagne qui entoure cette petite bourgade, et examinant déjà de façon très attentive le monde qui l'entoure. Ouais. Il se questionne sur tout, sur l'eau, sur ses remous. Il comprend que l'eau façonne les paysages, sont des notions de géologie. Et là encore, à l'époque, ça va à l'encontre de certaines idées de l'Église, l'idée que la Terre n'est pas telle qu'elle est de toute éternité. Donc géologie, anatomie, vol des oiseaux, tout semble le passionner, Pascal Briouat. Oui, il y a peu de champs de la culture qui ne l'aient pas intéressé. Ouais. Il y a des trous. Par exemple, pour quelqu'un qui meurt en 1519, voilà quelqu'un qui ne parle pas de l'Amérique. Mais sinon, il s'intéresse à tout. Alors le terme de génie, pour autant, pour qualifier son travail, pour qualifier qui il était, ne vous plaît pas? Pour quelle raison, Pascal Briouat? Pour moi, c'est une paresse intellectuelle. C'est-à-dire que si on dit que c'est un génie, bon ben voilà, c'est bon, il n'y a plus rien à faire, ouais. Ça vient du ciel. Alors bon, comme je suis athée, évidemment, ça me dérange un petit peu. Mais il y a quand même quelque chose d'important dans cette notion de génie. Je ne nie absolument pas l'intelligence de Léonard. Je suis le premier fasciné par ce travail. Mais génie, ça gomme complètement les prédécesseurs de Léonard. Mmh. Et ça laisse imaginer que qu'il est un homme du futur avant tout. Alors que Personnellement, je pense que Léonard est profondément un homme du Moyen-Âge et qui fait la synthèse de toutes les sciences et de toutes les techniques de son temps. Alors nous allons nous intéresser évidemment à l'aspect scientifique de son travail, mais Laure Fagnard, dites-nous quand même du point de vue artistique, en quoi est-il à part ? Parce que c'est presque là finalement qu'il a le plus marqué l'histoire, c'est pour la peinture, c'est pour le côté artistique de son travail. Alors c'est une vaste question, mais je rejoins ce que Pascal a dit. Dans le domaine de la peinture aussi, Léonard est profondément marqué par ses prédécesseurs et notamment par son maître, le sculpteur et peintre Andrea del Verrocchio, qui le marque profondément, même vraiment dans les dernières œuvres de sa vie. Eh bien, on trouve encore des emprunts au travail de Verrocchio, par exemple. Des broches qui ponctuent les vêtements de ces vierges, eh bien, en fait, remontent à des modèles qui étaient déjà représentés dans l'atelier de Verrocchio. Alors, il a incontestablement marqué l'histoire de l'art, mais Pascal Briouat, est-ce qu'il a vraiment joué un rôle décisif dans l'histoire des sciences? Vous nous avez dit, il fait une synthèse de ce qui a été fait au Moyen-Âge avant, il fait un peu la transition Moyen-Âge-Renaissance, mais finalement, ses travaux ont été redécouverts assez tardivement au XIXe siècle, l'essentiel de ses travaux, et aucun théorème aujourd'hui ne porte le nom théorème de Léonard de Vinci, comme il y a le théorème de Pythagore, ou principe de Léonard de Vinci, comme il y a le principe de voilà, la poussée d'Archimède, par exemple. Est-ce que c'était vraiment un scientifique, comme ceux que je viens de citer ? De formation, non, puisqu'il n'a pas appris le latin, il n'est pas allé à l'université, donc a priori, il aurait dû être tenu à l'écart et rester toute sa vie un homme sans lettres, comme selon sa propre expression. Toutefois, c'est un petit peu injuste. Il y a des découvertes de Léonard qui sont peut-être moins impressionnantes que le char d'assaut qu'il n'a pas inventé. Mais prenez par exemple la loi sur les frottements. Des frottements. L'idée que les frottements dépendent non pas de la surface de contact, mais du poids de l'objet qui est posé sur une table et qui pourrait glisser ou moins bien glisser. Avant Amonton, ce savant français du XVIIIe siècle, c'est Léonard qui exprime cela. Et je pense aussi on peut voir chez Léonard une approche proto-expérimentale qui est radicalement neuve. Oui, effectivement, vous l'avez dit, il ne va pas à l'université, il n'apprend pas le latin, c'est un fils illégitime, donc il reste pendant longtemps dans sa campagne, élevé par son grand-père. Et son rapport, justement, au fait qu'il ne connaît pas le latin, qu'il n'est pas un homme de lettres, il en parle dans ses carnets, il écrivait beaucoup dans ses carnets. Parce que je n'ai aucun talent littéraire, ils diront de moi que je ne peux exprimer clairement mes projets. Mais ils ne savent pas que mon travail relève de l'expérience et non des mots. Je m'en remets à quelque chose de plus grand et de plus digne. L'expérience, la maîtresse de leur maître. C'est ce que vous disiez, Pascal Briouat, l'expérience, c'est peut-être ça, ce qu'apporte Léonard de Vinci, c'est l'expérience avant tout. Oui, avec quand même une petite nuance, c'est que ça n'est pas exactement l'expérience au sens de Boyle et des savants du XVIIe siècle, c'est une expérience qui profondément naît dans le monde de l'atelier, c'est l'épreuve des matériaux, c'est l'idée d'aller chercher dans la matérialité la preuve de certains effets physiques, par exemple. Donc on a chez lui aussi des expériences qui sont des expériences de pensée, qui ne reposent pas sur la construction d'un protocole expérimental. C'est assez compliqué, c'est pour ça que je parle de proto-approche expérimentale. C'est d'ailleurs parfois difficile de s'y retrouver dans ses carnets entre ce qu'il a imaginé, hein, ce qu'il a fait par la pensée, des expériences de pensée, ce qu'il a vraiment, on le verra un peu plus tard dans cette émission, quand on parlera aussi des machines qu'il a conçues, en tout cas par le dessin, souvent ça n'est que sur le papier. Complètement. Et parfois, ces machines sont non fonctionnelles. Oui, infaisables. Certains ont essayé, ils n'ont pas réussi à construire ces machines. Oui, et puis certains corrigent Léonard, mais dans ces cas-là, ça n'est plus Léonard. Alors, très jeune, son père décide de l'envoyer à Florence, dans un atelier. Quelle idée a-t-il, Laure Fagnard, son père, quand il l'envoie? Il a décelé chez lui ce potentiel artistique? Alors c'est ce que raconte Vasari. Vasari, qui est l'un des premiers biographes de Léonard dans ses vies, des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes. Vasari raconte en effet que le père de Léonard aurait été frappé par la beauté de certains dessins et qu'il aurait décidé de montrer ses dessins à Verrocchio, qui, soi-disant, serait un ami. La vérité est sans doute plus terre-à-terre. Vous l'avez rappelé, Léonard est un fils illégitime. Il ne peut pas aller à l'université, mais il ne peut pas non plus embrasser la carrière de notaire de son père. Et donc, le père de Léonard, sœur Piero da Vinci, est obligé de trouver d'autres moyens de subsistance pour son fils. Et Verrocchio était l'un de ses clients. Il était à la tête d'un atelier prestigieux. Et donc, c'est peut-être une bonne voie pour ce fils illégitime. Donc, finalement, il l'envoie à Florence, dans l'atelier de Verrocchio. Qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qu'il fait? C'est assez pluridisciplinaire, ce que l'on fait chez Verrocchio. Voilà, c'est un atelier qui a la caractéristique d'être vraiment pluridisciplinaire. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les ateliers du temps. Chez Verrocchio, on réalisait des peintures, mais on réalisait surtout des sculptures en terre cuite, des sculptures en bronze, des sculptures en marbre. On réalisait toutes sortes aussi d'apparati pour les fêtes, pour les cérémonies éphémères, et on pratiquait aussi l'activité d'ingénieur. Et Verrocchio va peindre un tableau avec l'aide de Léonard de Vinci, le baptême du Christ. La réalisation de ce tableau aurait provoqué chez le maître Verrocchio une profonde remise en question. Ce garçon me surprend. Quel garçon ? Je l'avais mis à broyer les couleurs. Et puis je me suis rendu compte que j'avais hébergé un être inquiétant et fantasque. Laisse-moi regarder. Évidemment, il a une touche tout à fait différente de la tienne. On ne dirait pas ton élève. Et d'ailleurs, son personnage n'est pas en harmonie avec le reste de la composition. Non, il est plus beau. Et ce ciel derrière l'ange, c'est encore lui qui l'a peint? Non, il m'a influencé, c'est certain. Je ne pouvais pas placer derrière cette image si nouvelle, si différent de ce que nous avons l'habitude de faire, je ne pouvais pas y tracer un ciel à moi. Je crains fort que cet élève ne dépasse un jour son maître. Non, il m'a dépassé, Sandro. Déjà dépassé. Je n'ai plus envie de peindre des tableaux. Je ne veux pas que mes élèves puissent penser qu'un enfant est allé plus loin que moi. L'orphaniard, ça relève de la légende ou Verrocchio s'est-il effectivement effacé devant le talent de son élève? Oui, ça, cela relève de la légende, d'une rhétorique habituelle dans les récits de ce genre. Ce qui est véridique, en revanche, c'est que l'atelier de Verrocchio produisait des œuvres à plusieurs mains. Et le baptême du Christ est en effet une œuvre qui a été réalisée par plusieurs artistes, au moins trois artistes différents, pense-t-on. Et c'est en fait assez simple à comprendre. Verrocchio, il est à la tête d'une entreprise extrêmement florissante qui reçoit de très nombreuses commandes. Il ne peut pas en fait répondre à toutes ces commandes. Et donc sans doute qu'il imagine, en tout cas dans le domaine de la peinture, il imagine... la composition, il réalise peut-être quelques esquisses préparatoires et puis il laisse à ses élèves le soin d'exécuter concrètement la peinture. Et puis à Florence, Léonard de Vinci ne va pas seulement participer à ses peintures, il va aussi assister et participer à la construction de la célèbre cathédrale dont le gigantesque dôme force encore l'admiration aujourd'hui. Ça lui donne des idées, Léonard de Vinci, quand il voit ça. Il est en admiration devant l'architecte Filippo Brunelleschi. Et il voit aussi les machines de construction, tout ça est en train de germer dans son esprit. Alors Pascal pourra sans doute bien mieux répondre que moi, mais c'est en effet sans doute le premier contact de Léonard avec le monde de l'ingénierie. Il est encore dans l'atelier de Verrocchio, c'est une époque extrêmement florissante et il est finalement en contact avec ce travail. Pascal Briouat. Oui, alors Léonard voit des machines et il les dessine. Et là, j'en profite pour dire que ça n'est pas parce que Léonard dessine des machines que ce sont forcément des machines de Léonard. Eh oui. Donc, justement, c'est un moyen de se former que de recopier les cahiers, les Zibaldoni des autres ingénieurs de son temps. Mais Léonard se souviendra de cette expérience extraordinaire avec des grues extrêmement modernes, avec 3 degrés de liberté, avec des possiblement des miroirs paraboliques, des miroirs incendiaires pour faire les soudures de la sphère, de l'immense sphère de cuivre qui doit couvrir le dôme. Donc c'est une très très haute technologie dont Léonard se souviendra. Il emmènera à Milan des moulages, des vis de bronze probablement, des grues. Du chantier. Oui, parce qu'il va aller à Milan, on va en parler dans un instant, et puis on va parler de ce Léonard de Vinci, ingénieur, qui dessine des machines de guerre, des machines volantes. On dit souvent de lui qu'il a imaginé l'hélicoptère bien avant sa réalisation. Est-ce vraiment le cas? Nous allons nous intéresser au talent d'ingénieur de Léonard de Vinci dans un instant, du vent dans les synapses, en direct du festival des Rendez-vous de l'Histoire à Blois. Bien que la nature interroge la raison, avant de solliciter l'expérience, il nous faut faire l'inverse. Commencer par l'expérience, puis élaborer un raisonnement. Questa è la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città. Gente tranquilla che lavorava. Là dove c'era l'erba ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando amico non sei contento, vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile. Mio caro amico disse qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento, ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò un amico treno che fischia così, wow, wow. Il ragazzo della via Gluck, c'était Adriano Celentano. France Inter. Du vent dans les synapses. Ce qui est beau en l'homme ne dure qu'un temps. La vieillesse approche sournoisement. Rien n'est plus fugace que le temps de vie d'un homme. Mais ce temps-là est suffisant pour qui sait l'utiliser à bon escient. N'est-ce pas une vie gaspillée qu'une vie sans louange? L'homme qui n'atteint pas la renommée ne laisse pas plus d'empreintes que la fumée dans le vent ou bien l'écume sur l'océan. Mais moi, j'ai l'intention de laisser un souvenir impérissable dans la mémoire des mortels. Léonard de Vinci, disciple de l'expérience. Autour de la table, toujours l'historienne de l'art Laure Fagnard et l'historien Pascal Briouat, avec qui nous revenons sur l'œuvre et la vie de Léonard de Vinci. Nous venons d'entendre un extrait de l'un de ses nombreux carnets. Pascal Briouat, Léonard de Vinci, tenait-il, comme on vient de l'entendre, à laisser une trace pour la postérité? Oui, c'est évident. Et ce qui est rageant pour l'historien, c'est que il nous manque sans doute une bonne partie de ses carnets. Ah oui, pourtant on a de nombreuses pages, des milliers de pages. Oui, on a 6000 feuilles, ouais. Donc 12 000 enfin 12 000 faces. Ouais. Et c'est. Il en manque encore un bout. Il en manque énormément et on le sait parce qu'il dit tiens ça je l'ai recopié au propre et il cite souvent des traités dont on n'a absolument pas la trace. Mais donc il avait dans l'idée que tout ça serait publié un jour et finalement il est mort sans avoir publié. On les a retrouvés très tardivement ces documents qui sont des brouillons finalement. Oui. On a retrouvé des choses un petit peu mises au propre, mais très souvent ce sont des brouillons. Et c'est un vrai paradoxe. Mais faut savoir aussi que en ce temps où on travaille pour des patrons, le manuscrit est vraiment la voie particulière de la culture de cour. Alors après avoir montré ses talents de peintre à Florence, Léonard de Vinci veut aller à Milan pour offrir ses services au prince de Milan, Ludovic Sforza, l'orphagnard. Qu'est-ce qui pousse Léonard de Vinci à quitter Florence où, on l'a dit, hein, il y a énormément à cette époque d'artistes, de gens de valeur dans le domaine de l'art. Il quitte ce monde-là pour Milan. Alors en fait, on ne connaît pas exactement les circonstances du départ de Léonard de Florence. Vasari raconte qu'il aurait été chargé d'une mission diplomatique qui était accompagnée d'un cadeau assez prestigieux au duc de Milan, celui d'une lyre qui aurait été construite dans le crâne d'un cheval. Et ceci pour évoquer aussi les talents de Léonard dans le domaine de la musique. Alors peut-être que Léonard se sentait à l'étroit à Florence, même si c'est une ville en plein bouillonnement, et notamment la présence des corporations qui finalement limite un peu les talents universaux. Explique peut-être pourquoi Léonard voudrait finalement quitter cette ville pour une cité plus dans laquelle les arts pourraient se développer de façon plus libre. Alors pour intéresser le maître de Milan, Ludovic Sforza, Léonard de Vinci va lui écrire une lettre qui est parfois présentée comme le premier CV de l'histoire. Mais ce n'est pas ses talents de peintre qu'il va mettre en avant. Il va mettre en avant d'autres compétences, des compétences qu'il n'a pas vraiment. Mon illustre Seigneur, je me permets de me présenter à vous et d'exposer à votre Excellence mes secrets de guerre. Je fabriquerai des véhicules couverts, sûrs et inattaquables, qui pénétreront dans le camp de l'ennemi et détruiront son artillerie. J'ai imaginé aussi des canons plus pratiques et facilement transportables, qui propulsent de petites pierres semblables à une averse de grêle. Ils engendreront dégâts et confusion chez l'ennemi. Leur fumée et leur bruit terrible répandront la terreur. Là où l'utilisation du canon est impossible, j'installerai des catapultes, mangonneaux, trébuchets et autres armes merveilleusement efficaces et peu communes. Pascal Bréois, ce premier CV de l'histoire, ou lettre de motivation, je ne sais pas comment il faut présenter cette lettre, rédigée par Léonard de Vinci, est un CV mensonger. Bah, tout à fait, parce qu'il s'est un petit peu formé à l'ingénierie, mais très clairement, l'ingénierie militaire, il a dû la voir d'un peu loin. Ouais. Et il reprend les travaux d'autres, voilà. D'autres gens, en fait. Voilà. Le copyright n'existe pas à la Renaissance. Donc, c'est assez facile, surtout quand on quitte son territoire d'origine. Ouais. Et là, il arrive avec des choses qui sont publiées, par exemple, chez Valturio, des traités d'art de la guerre, etc. Et, peu de choses qui sont décrites ici n'existent pas. Tout a déjà été dessiné par d'autres. Il fait une sorte de catalogue en allant piocher. Au passage, ça veut dire quand même qu'il lit. Hein, lui qui se disait « je ne suis pas un homme de lettres », il a quand même une documentation. Il se documente pour pouvoir plagier ces machines existantes. Alors, il met l'accent sur l'ingénierie militaire. C'est parce qu'il sait que les Sforza, ducs de Milan, ont une politique territoriale un peu agressive, ambitieuse. Et sa stratégie va payer. Il va intéresser comme ça Ludovic Sforza. Au départ, non. En 1482, il y a une guerre à Ferrare, il faudrait remplacer tous les ingénieurs de Milan, et Léonard se dit que c'est une aubaine. Mais ça ne marche pas, on ne le croit pas, parce qu'on sait ce que c'est qu'un vrai ingénieur militaire, et il ne l'est pas. Mmh. En revanche, 10 ans plus tard, ça y est, il a le titre d'ingénieur à l'intérieur de Milan, c'est-à-dire qu'il s'est formé auprès des maîtres artilleurs, auprès des spécialistes de la fortification, aux toutes dernières techniques dont il a appris le langage. Il dessine des machines de guerre. On a vu au début de cette interview qu'il avait envie de passer à la postérité. Il avait envie de marquer l'histoire. Est-ce qu'à son époque, il se dit qu'il y a plus de chances qu'il marque l'histoire en inventant des machines de guerre terrifiantes qu'en peignant les plus belles peintures? Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux façonnages de soi possibles. Celui de l'artiste dont parlait Laure, et l'artiste de cour qui échappe aux corporations, et celui de l'ingénieur militaire, parce que ça paye très bien. Il y a eu des Florentins avant lui, comme le Filaret, qui se sont fait de belles fortunes à travailler pour les autres. Alors, il va dessiner beaucoup de machines de guerre. Il a un réel intérêt pour ça, ou il a un certain dégoût pour la guerre, au fond? Non, au début, la guerre vue de loin, c'est toujours joli. Hein, ouais. Et donc, la performativité de très belles catapultes, d'arbalètes géantes et de canons, d'orgues d'artillerie, tout ça, ça le fascine. Et puis un jour, il connaîtra la guerre et là, le discours changera un peu. Il changera un peu d'avis. Hein, ça le rebutera, hein, clairement. Alors, il va dessiner aussi beaucoup d'autres machines dans de très nombreux domaines, hein, des systèmes mécaniques pour alléger les forces des hommes ou des animaux, des métiers à tisser automatiques, des pompes hydrauliques. Toutes ces machines, on l'a dit, certaines fonctionnent, d'autres sont des sortes d'inventions de l'esprit, de jeux de l'esprit. Oui, le problème, c'est un peu notre lecture quand on voit ces dessins. C'est-à-dire que nous, on voudrait que ce soit des dessins industriels modernes. Donc, on voudrait que tout fonctionne. Ouais. Et parfois, Léonard, dans ses machines, s'intéresse juste à certains éléments. Et donc, il zoome sur ces éléments-là. Et il a une vraie connaissance de la mécanique. Mais ce qui ne veut pas dire que toutes les machines qu'il décrit sont fonctionnantes. La plupart sont criblées d'erreurs. Ouais, alors, en matière de machines, le domaine dans lequel il aura le plus dessiné et cherché, c'est celui des machines volantes. Peut-être aussi pour accéder à la postérité. Il veut être le premier à avoir fait voler un humain et il va imaginer les systèmes les plus audacieux. Voici les plans. Oh, de plus en plus compliqué, maître Léonard. 30 brasses de longueur. Mais comment pourra-t-il prendre son envol? C'est de la pure folie. Tu apprêteras deux ressorts spéciaux à arbalète. Pendant le vol, le pilote rechargera à intervalles réguliers les ressorts qui, en se déchargeant, déploieront leur puissance sur les ailes. Mais je ne serai jamais capable de les fondre. C'est d'une complexité effarante. Écoute, au lieu de jaser comme une pie, nous disposerons d'une poussée de 800 livres. Oh, 800 livres! Vérifie encore une fois les commandes. Plie les ailes. Les câbles glissent à merveille. Les ressorts sont chargés. Que Dieu me protège. La catapulte est tendue. Agrippe-toi. Je marche. Oh! C'est l'extrait d'une fiction radiophonique diffusée sur France Inter en 1967, adaptation du roman de Dimitri Merejkovski, paru en 1900. Pascal Briouat, on le dit, hein, c'est avant tout issu d'un roman. Est-ce que Léonard de Vinci a réellement catapulté des gens dans l'air pour les faire voler? Personnellement, j'en doute un peu. Oui. La seule trace de cela, c'est effectivement le roman des années 20 de Merejkovski. Ce qui est fou, c'est que cette fiction, aujourd'hui, il y a à Fiesole, il y a une plaque disant ici, Zoroastro a essayé. C'est fou. Il y a une... La puissance du roman, finalement. La puissance du roman. Ouais. La puissance du roman. Maintenant, les recherches de Léonard sur les machines volantes, elles sont réelles. Au début, il cherche des machines mécaniques, des ressorts, la technique de poulie, etc. Il s'aperçoit assez vite que ça n'est pas possible de compenser la faiblesse musculaire de l'homme. Et donc, il va chercher plutôt le vol plané et rechercher vraiment ce que font les oiseaux. Et là, il observe les oiseaux. Et Léonard est en quelque sorte le grand-père du biomimétisme c'est moderne. Ça. Ouais, ça, c'est aussi quelque chose qu'on lui doit. Observer la nature pour s'en inspirer pour la mécanique. On dit parfois qu'il a inventé l'hélicoptère. Ça aussi, c'est à remettre à sa place. Oui, c'est à remettre à sa place parce que quand on voit ce dessin, Léonard lui-même n'y croit pas. Le dessin est commenté. C'est-à-dire que Léonard, c'est pas juste un album à colorier, hein, c'est aussi des textes. Et les textes disent quelque chose de très spécifique. C'est on peut le faire, mais en petit modèle en carton avec un ressort en métal. Alors évidemment, sur le défunt, pour impressionner, il dessine, mais là, c'est son esprit qui s'envole. Je crois qu'il n'y a que l'esprit qui s'est envolé. Mais l'idée, c'est le principe d'une vis aérienne, d'une vis qui s'enfonce dans l'air. Et ça, c'est un gros principe qui est découvert là. C'est le principe d'action et de réaction qui est effectivement derrière toute l'avionique du futur. Laure Fagnard, il faut aussi parler de ses dessins. Là aussi, il y a de l'innovation dans la façon de représenter ces machines, ces engrenages parfois éclatés, avec des perspectives. Tout ça est assez novateur. Alors c'est en tout cas un des faits marquants de l'œuvre de Léonard, en effet, de voir représenter parfois sur une même feuille de papier un objet ou une partie du corps humain ou un engrenage, enfin quoi que ce soit, de différents points de vue. Ouais. On a en effet aussi des coupes, on a des vues à vol d'oiseaux, on a des vues en trois dimensions, on a des coupes, enfin vraiment ce sont des dessins qui mêlent des points de vue multiples. Mmh. Et Léonard est un, alors je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas il contribue au savoir aussi de cette façon, en accordant finalement tant d'importance au visuel. Ouais. Nous sommes encore dans une société où l'oralité a une place très importante, où les connaissances se diffusent avec la voix. Et là, Léonard participe à un basculement. Il accorde beaucoup d'importance, ouais, au visuel. Et on trouve aussi dans ses carnets des dessins anatomiques d'une précision remarquable. Léonard a passé beaucoup de temps à disséquer des cadavres. Vous allez nous dire ce que ça lui a permis de découvrir. Laure Fagnard et Pascal Briouat sont les invités de cette édition spéciale du Vent dans les Synapses, en direct de Blois pour les 22e rendez-vous de l'histoire. What the fuck are fucking feelings, yo? Once upon a time I was a hoe. I don't even wanna hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. I thought that I didn't care. I thought I was loving bad. But again, I would do it for you, all my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name. I thought that I didn't care. I thought I was loving bad. But baby, oh baby, I don't know what I'm gonna do. Cause I love you, c'était Lizzo. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Je n'ai jamais vu un spectacle aussi répugnant. La poitrine est ouverte, les viscères mis à nu. Que cherchez-vous, maître Léonard? Il vous serait difficile de comprendre. Je sais bien que vous êtes en quête de l'âme des trépassés. Vous espérez la trouver dans le cœur, au fond des entrailles. Vous vous leurrez. Après le trépas, l'âme s'envole. Votre art dégoûtant est inutile. Je sais bien, ma mère, que l'âme échappe à nos sens. Mon travail est plus modeste, plus humble. De chaque organe, je cherche à définir l'usage, la fonction, l'utilité. J'essaie d'arriver à une plus profonde connaissance de la raison d'être des innombrables composantes du corps humain. Il me serait difficile de vous suivre dans cette voie dangereuse, Sir Léonard. Toutefois, Madame la Prieure, je vous demande de réfléchir. Il s'agit de cadavres que nous aurions jetés dans la fosse commune. Des corps de manants, de malfaiteurs, de misérables, parfois destinés à être inhumés en terre non bénite. Et Maître Léonard donne à l'hôpital un ducat pour chaque dépouille. Son impiété ne connaît pas de limite. Il assied même les os, comme s'il s'agissait de moutons ou de bœufs. Cela est indispensable pour en connaître la constitution intérieure. Mais pourquoi avoir coupé les muscles des bras et des jambes en lamelles? Pour localiser la distribution des nerfs à l'intérieur des fibres. Regardez, monsieur l'archiâtre. Sur ce fourneau, il a arraché les yeux du cadavre. Il les fait bouillir dans l'eau. Cela tient de la sorcellerie. Vous dépassez la mesure, Sir Léonard. Madame la Prieure, n'allez pas dans la pièce à côté. Je vous en supplie. Léonard de Vinci disséquant des cadavres. Pascal Briouat, à quel point était-ce réprouvé par l'Église de disséquer les corps au début du XVIe siècle en Italie? Alors là, il y a un lieu commun dont il faut faire pièce. Ouais. C'est que c'est pas du tout interdit. La preuve en est que Léonard se vantera auprès d'un cardinal, le cardinal d'Aragon, d'avoir disséqué 30 cadavres. Il s'en vante. Mmh. Donc, ça a pu peut-être quand même horrifier certaines personnes d'église, son travail sur ces corps en décomposition. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le débat. Tout cela se faisait dans des hôpitaux. Au vu des médecins qui étaient là, ça ne peut pas se faire sans toute une infrastructure. Donc, faut pas imaginer Léonard allant à la lanterne déterrer les cadavres des cimetières. Tout ça, ça n'existe pas. Il a eu des problèmes avec l'Église tardivement. Vasari le dit. Mais en fait, c'est parce qu'il découpe le corps d'une femme enceinte, malheureusement morte en couche, avec son fœtus, et qu'il a des idées assez originales sur le fœtus et la vie du fœtus, qui même aujourd'hui passerait assez mal dans certains milieux. Oui. Que dit-il sur le fœtus? Il pense que l'âme du fœtus, c'est l'âme de la mère au départ. Mmh. Autant vous dire, donc le fœtus n'a pas d'âme en soi. Donc vous voyez que c'est assez, même aujourd'hui, un sujet à débat. Et il se trouve que c'est en complète contradiction avec une bulle que vient de fulminer le pape, qui dit que précisément Dieu met l'âme de l'enfant à tel moment de la gestation. Donc si le pape l'a dit, c'est que c'est vrai. L'Orfagnard. Il faut aussi dire que d'autres artistes avant Léonard et après Léonard réalisent ce genre de dissection. Michel-Ange a lui aussi disséqué plusieurs cadavres pour comprendre comment fonctionne le corps humain. Et alors que cherche-t-il exactement et que va-t-il comprendre qu'on ne savait pas à l'époque? Il s'intéresse beaucoup au cœur, il s'intéresse aussi, il a une fascination pour l'œil et la façon dont est organisé cet organe. Oui, j'écoutais la fiction qui est très intéressante. Dans un premier temps, il montre tout ce qui est mécanique, c'est le plus simple. Mmh. Donc des leviers, des poulies. Il est un des premiers à dessiner toutes les poulies des doigts de la main, etc., les tendons. Tout ce qui est mécanique, ça va assez bien, il connaît. Et puis, il y a la question beaucoup plus métaphysiquement dérangeante de qu'est-ce que c'est que la vie. Et là, il cherche le cœur, il cherche comment sont produits les esprits vitaux dans le cœur. Les médecins, à la suite de Galien, avaient leur propre idée là-dessus. Mais Léonard va beaucoup plus loin et va même aller jusqu'à modéliser des cœurs en verre dans lesquels il va pulser de l'eau et des grains de millet pour voir exactement ce qui se passe. Que sont ces vortex, ces turbulences qui seraient peut-être à l'origine de la vie. Voilà ce que fait Léonard. Et il va comprendre sur le fonctionnement du cœur des choses que l'on n'avait pas bien compris, une organisation qui est encore mal connue à l'époque. Alors, cela, par exemple, ça contredit Galien. Ouais. Ça contredit Galien. Galien pense que dans le cœur, le sang et l'air se mélangent par des pores entre les deux ventricules, des trous entre les deux ventricules. Léonard dit, non, c'est pas là que ça se passe. D'abord, il n'y a pas de pores intraventriculaires. critiquer Galien, c'est critiquer quelques siècles de certitude médicale. Hein. Ouais. Et dis-non, ça se passe plutôt au niveau des valvules aortiques qui ont quand même des curieuses formes géométriques, des lunules, des triangles qui s'ouvrent, qui se ferment. Et c'est ça qui crée les tourbillons. Mmh. Et alors là, c'est vrai. C'est vrai, aujourd'hui, oui. Je vous engage à regarder ça sur Internet. Vous verrez, il y a des animations 3D très, très bien faites par les médecins aujourd'hui qui montrent cela. Ouais. Léonard de Vinci passera la fin de sa vie en France. Hein. Il quitte l'Italie en 1516, à plus de 60 ans. Il traverse les Alpes. Hein. À l'époque, c'est un long voyage pour s'installer dans la vallée de la Loire, à Amboise. On lui aménage une demeure au château du Clos-Lucé. Qu'est-ce qui conduit Léonard de Vinci à quitter l'Italie pour la France, l'Orfagnard? Alors, à nouveau, on ne connaît pas les causes exactes qui poussent Léonard à déménager, mais peut-être que Léonard est dans une passe un peu difficile de sa vie. Il commence à être âgé. Il vit à Rome à cette époque-là et ne reçoit plus de commandes très prestigieuses. Surtout aussi, il doit finalement subir une concurrence de plus en plus féroce de la part du très jeune Raphaël et du autoritaire Michel-Ange. Mmh. Et donc, peut-être que tout ça lui font réfléchir à cette proposition de ce jeune roi de France qui semble aussi très ambitieux et qui peut être attractif. C'est ça. Lui qui rêvait de gloire et de postérité, il va se retrouver un peu la coqueluche, pour le dire simplement, d'un roi, d'un chef d'État. Ça ne lui était encore jamais arrivé. Il réalise un rêve en entrant au service de François Ier. En tout cas, de la part de François Ier et de sa mère, Louise de Savoie, qui a une grande importance dans cette histoire, c'est une belle prise de guerre. Ouais. François Ier vient de remporter une très belle victoire à Marignan et il arrache aux Italiens un des plus grands artistes de cette époque. Et en une minute pour conclure, Pascal Bréois, qu'est-ce qu'il va faire avec François Ier? Qu'est-ce que, pendant les dernières années de sa vie en France, est-ce qu'il va encore imaginer, inventer, découvrir? D'abord, les plans d'un palais auquel il va devoir renoncer, Romorantin, ouais. Mais qui va être peut-être le plan A d'un plan B qui sera Chambord. Là, je résume vraiment. Et puis, des fêtes. Des organisations de fêtes, des fêtes à effet, des fêtes à éléments scénographiques, mécaniques. Alors, faut bien comprendre, parce que quand on dit des fêtes, hein, il se reconvertit pas dans une entreprise un peu. Et à cette époque-là, il y a des automates qui sont proches des robots. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a tapé dans l'œil de François Ier avec un lion mécanique qui s'ouvrait avec des choses qui s'envolaient et qui sortaient de ce robot. Donc, on organise des fêtes, mais c'est très mécanique, là encore. Déjà, une fête, ça dure 15 jours. Donc oui, c'est ça. Une fête réussie. Hein, oui, c'est avec des batailles, avec effectivement des robots et des automates. Et ce lion mécanique qui jetait des fleurs de lys de son poitrail, c'est quelque chose qui a marqué les esprits, qui avait déjà marqué les esprits à l'époque de Louis XII. Hein. Si on veut consulter les codex de Léonard de Vinci, comment on fait, Pascal Bréois? Tout est en ligne sur Leonardo Digital. Vous tapez E. Léo, sur Google, et vous tomberez dessus. Après, il faut suivre l'onglet Folia, et là, on a tout Léonard à disposition pour les croquis. Ouais, on va mettre tout ça en lien sur la page du Vent dans les Synapses, et puis il y a aussi, bien sûr, pour avoir les écrits, les carnets de Léonard de Vinci, édités chez Gallimard, une édition que vous présentez et annotez, Pascal Bréois. Je mentionne aussi les audaces de Léonard de Vinci que vous avez publiées chez Stock, et l'Orfagnard, vous avez publié Léonard de Vinci à la Cour de France, aux presses universitaires de Rennes. Dans un instant, nous allons passer à table, mais restez dans l'histoire, puisque nous allons nous intéresser à ce que l'on mangeait à l'époque de Léonard de Vinci et aux arts de la table à la Renaissance, avec une archéologue, Fabienne Ravoir. Restez avec nous, Pascal Bréois, car vous avez aussi écrit sur la cuisine de la Renaissance. Yeah. The Limignana, c'est Emmanuel Seigné, Springfield sur France Inter. France Inter, du vent dans les synapses. Voilà, il suffit, mon ami. Allons, en nuit, bien chaude, les disposer. En véritable disciple du maître italien, le sieur Sauzin, grand spécialiste des tables historiques de France et de Navarre, rallume pour un soir la grande cheminée du château de Clos Lucé, comme au temps où François Ier venait y souper en privé avec Vinci. Ce cuisinier aurait pu régaler la noble assemblée de lasagne à la zucca, de quenelle de dinde ou d'un foie gras au pain d'épices et aux oranges amères. Mais ce soir, il a opté pour la voluptueuse tendresse d'un chaudronnet de veau au limon et au basilic frais. Voilà qui met l'eau à la bouche. Pascal Briois, vous avez dirigé l'ouvrage La Table de la Renaissance aux presses universitaires de Rennes. Alors cette reconstitution d'un menu qui aurait pu être servi lors d'un dîner entre Léonard de Vinci et François Ier vous semble-t-elle crédible ? Alors elle est adaptée à nos goûts contemporains. Elle est adaptée pour nous faire saliver, nous. Les goûts de la Renaissance sont un tout petit peu différent, même le sieur Sauzin en est totalement conscient, hein, mais il adapte pour sa clientèle. Alors qu'avait-il de différent? Quel était le goût de la cuisine de la Renaissance? Alors, un goût épicé, évidemment. En tout cas, je parle de la cuisine des nobles, puisque pour le peuple, ah oui, c'est ça coûtait cher. Différent. Ça coûtait cher, les épices. Donc, une cuisine extrêmement carnée, une cuisine épicé, des sauces qui ne sont pas des sauces au beurre comme celles dont nous avons l'habitude, mais des sauces épaissies aux amandes et à la chapelure, et surtout des sauces acides qui nous plairaient moyennement. Oui. Hein, donc voilà, c'est un petit peu. Ah oui, et des mets colorés. On aime les choses colorées. On aime les poulets aux cinq couleurs. On aime les blancs mangés, etc. C'est très important. Nous a rejoint Fabienne Ravoir, archéologue à l'INRAP et à l'université de Caen. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes surtout intéressée aux contenants, vous, à la vaisselle, aux ustensiles de cuisine de la Renaissance. Oui. Pas seulement alors les jours de fête. On n'est pas seulement chez les riches, aussi chez les gens modestes, sur les tables de tous les jours. Oui. Que pouvait-on voir sur ces tables il y a 500 ans, Fabienne Ravoir? Alors sur ces tables, que l'archéologie, par le fait qu'elle intervient dans des contextes urbains ou même ruraux et qui ne touchent pas forcément les milieux élitaires, nous permet d'appréhender toute la masse de la population qui n'était pas documentée par les sources écrites. Ouais. Et le mobilier que l'on met au jour, généralement, c'est un mobilier essentiellement en terre, en verre. Il y avait à l'époque du mobilier qui était en bois aussi, beaucoup de mobilier en bois tourné, mais qui a disparu parce qu'il faut que le milieu soit tout à fait humide pour que le bois se préserve. Quand vous dites mobilier, ce sont des assiettes en bois, des bols en bois. C'est ça. Alors on va retrouver essentiellement des contenants, donc des bols, des assiettes, des écuelles, des tasses. Il faut savoir que justement à partir du XVIe siècle, ce qui est intéressant, est-ce qu'on voit un peu partout en France, c'est l'émergence des assiettes, alors qu'on utilisait des bols depuis au moins la fin de la période carolingienne. Donc ces bols, ces tasses, peu à peu sont remplacées par des assiettes. Donc finalement, les assiettes, c'est une invention assez récente. Cette idée de manger sur quelque chose de plat avec une bordure, enfin je vais pas définir une assiette, hein, tout le monde voit à peu près à quoi ça ressemble, c'est relativement récent. En fait, l'assiette, souvent, on la voit elle existe, on a des assiettes pour le Moyen-Âge, en métal notamment, et pour autant ce ne sont pas forcément des contenants dans lesquels on mangeait, c'était plutôt des plats en fait, en quelque sorte on mangeait sur des tranchoirs, donc des planches en métal ou en pain ou dans lequel on pouvait manger. À partir du XVIe siècle, c'est vraiment l'assiette telle qu'on peut la connaître au XVIIe et XVIIIe siècle qui apparaît, et notamment en terre. Non. Et est-ce qu'il y a des couverts? Est-ce qu'on mange avec les doigts ou est-ce qu'on a alors fourchette, les couverts, couteau? Voilà. Donc les couverts. Donc le ce que tout le monde a, c'est sa cuillère. Tout le monde a des cuillères. Donc des cuillères en étain, des cuillères en bois, des cuillères en argent pour les gens les plus aisés. On a des couteaux. On a son couteau personnel. En l'occurrence, on n'a pas de fourchette. Alors la fourchette, c'est vraiment quelque chose qui se diffuse dans le service de table à partir du 18e XIIIe siècle seulement. Par contre, pour autant, l'élément fourchette apparaît bien effectivement au XVIe siècle pour couper des plats, mmh. Ou piquer des fruits, piquer des confiseries. C'est quelque chose qui est effectivement plutôt connu en Italie et qui apparaît mais qu'on peut retrouver dans la seconde moitié du XVIe siècle dans les milieux aristocratiques, mais jamais dans les milieux populaires, jamais en aucune façon la fourchette n'apparaît, et même au XVIIe siècle Louis XIV ne alors, Fabienne, oui, il mangeait avec les doigts, Louis XIV, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Ça, tout à fait, c'était bien plus pratique. Bon, Fabienne Ravoir, on sait donc dans quoi il mangeait et avec quoi il mangeait, mais grâce à de nouveaux outils, maintenant, les archéologues peuvent faire parler ce contenant pour aller vers le contenu. C'est-à-dire qu'avant, les archéologues, quand ils fouillaient, ils lavaient proprement la vaisselle qu'ils sortaient de terre. Maintenant, aujourd'hui, on ne lave pas parce que dans les porosités de cette vaisselle, eh bien, il y a des trésors. Alors, en fait, on ne lavait pas jusqu'à présent, mais maintenant, justement, on a des moyens techniques qui sont beaucoup plus perfectionnés, qui permettent d'analyser ce qu'on appelle les caramels alimentaires quand il s'agit de peau à cuire. On va retrouver des éléments, soit calcaire, soit des choses qui ont été grillées, soit on va intervenir sur les parois, dans des analyses très très précises dans les parois des récipients pour pouvoir en déterminer les contenants, notamment ils sont contenus des graisses, du beurre, du lait, etc. Et c'est des analyses extrêmement pointues et très novatrices. Donc ça permet d'avoir une idée un peu de ce qu'il y avait, de ce qu'on mangeait. Est-ce qu'on a une idée, par exemple, Pascal Briouat, du vin servi à la Renaissance? Quel goût avait-il par rapport au vin d'aujourd'hui? Alors, on a déjà l'idée que ce sont des vins, comme il n'y a pas de possibilité de conservation, ce sont des vins légers, sont des vins clairés qui font que la tête tourne. Mais ces vins, il y a déjà des variétés de vins très différentes. Mais il faut imaginer des vins très différents de ceux que l'on boit maintenant, des vins qu'on dilue avec de l'eau. Ce qui évidemment pour nous est choquant, mais voilà. Et donc c'est très différent. Il y a des cépages. François Ier a fait faire des cépages particuliers, assez proches du Courchevernie actuel, du côté de Romorantin. Enfin, on le sait. Je voulais dire une chose quand même juste avant sur le goût de terre. Ouais. Les textes de la Renaissance parle du goût de terre, ce qui revient à tout ce que vous dites sur les caramels alimentaires. Tout à fait. Et c'est vrai que les pots à cuire sont régulièrement jetés parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a trop de goût, trop les pâtes sont poreuses et les aliments sont piégés dans l'argile et ça donne pas forcément un bon goût. Merci Fabienne Ravoir d'être venue nous donner cet aperçu de ce qu'il y avait sur les tables à la Renaissance, et merci à vous Pascal Briouat d'être resté. Je rappelle que vous avez dirigé l'ouvrage La table de la Renaissance aux presses universitaires de Rennes. Un petit mot pour vous dire que tout le week-end se poursuivent les événements organisés dans le cadre de la fête de la science. Dimanche après-midi, par exemple, Fabienne Chauvière, que vous connaissez bien à France Inter, vous donne rendez-vous au Conservatoire National des Arts et Métiers pour une rencontre avec des chercheurs autour de son ouvrage Les Promesses de la Science, avec de nombreux invités. Elle vous y attend tout l'après-midi au Conservatoire National des Arts et Métiers. Et puis ici, au Festival des rendez-vous de l'histoire. Évidemment, ça n'est pas terminé. Il y a des conférences, et pas des moindres, à suivre tout le week-end jusqu'à dimanche fin d'après-midi. Un grand merci à l'équipe du festival pour son accueil et un grand merci au public du festival.